pas qu'à sentir vraiment tout près d'y posséder. Ça qui caché en fond, c'est moi. Mais on déjà c'était en pâté que serré longtemps. Les débras l'amour saisit moi. Caresse ça toujours caravage moi. Mais gardez pas votre moi. C'est là qu'il n'y a plus de gars. L'ombre j'en qu'a tranquillisé moi. Mais laissez-moi avouer. On t'y priait en garde pour. Ou serré y pa moué. Aïe, mi tchè moué. Mais